Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème, et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, les jeux vidéo, c'est la vie. Une série d'Antoine Tricot réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a un documentariste qui joue et une certaine fatigue face aux discours alarmistes. Il y a l'envie de raconter des histoires, de s'amuser, de jouer à plusieurs et de ne pas passer à côté d'un loisir devenu patrimoine à part entière et auquel s'adonnent tout de même les trois quarts des Français. Alors pour commencer, les personnages. Des petits joueurs, une joueuse émérite, une sociologue du jeu vidéo, un garçon dans le réel, monde virtuel, un psychologue gamer et une journaliste dans le bain. Ensuite, le décor. Du foot, des tournois, des consoles et des manettes, des addictions, une médiathèque, Zelda, l'ergonomie, un fauteuil, la mémoire, l'héroïsme, des incompréhensions, des fossés et du plaisir. Aujourd'hui, premier épisode, on commence une partie. Oui, oui, ici. Oui, s'il te plaît. Oui. Merci. Les jeux vidéo, c'est la vie. Aujourd'hui, les jeux vidéo mangent les enfants. Antoine Tricot et Rafik Zénine. Vous avez gagné combien ? 1-0. Voilà ! Nous, on est lassés. Hein. Oui. Ah, on est en finale ? Ouais. Oh, voilà. Mais non, là, c'est voilà. Sekou et Mamadou, nous, on est labé. Nous, on est labé, on est labé. Qui a gagné alors ? C'est nous. Non, il a gagné. Voilà. Hein ? Non, il me l'a pressé. Donc, c'est labé qui passe. Ah, il n'y a pas de lui. Là, on va faire la EF. Oui, oui. C'est Ulrich. Et à Priam. Combien de personnes aujourd'hui n'ont jamais touché une Game Boy, n'ont jamais fait une partie de solitaire sur leur ordinateur ou n'ont jamais essayé Candy Crush sur leur téléphone portable? En 2018, près de 50 millions de Français déclaraient jouer au moins occasionnellement. C'est presque les trois quarts de la population nationale. Je suis, moi aussi, un de ces joueurs. Je suis né dans les années 80 et j'ai grandi avec la Game Boy, la Nintendo 64, la PlayStation 2 et les jeux sur ordinateur. Cela m'a formé comme mes lectures ou mes visites au musée, comme les films et les pièces de théâtre que j'ai vues. Pour moi, et des millions d'autres joueurs et joueuses, le jeu vidéo fait partie de la vie. Pourtant, il est encore souvent perçu comme un monde à part, déconnecté du réel, isolant ceux qui s'y adonnent dans des univers virtuels. On l'accuse de tous les maux, il serait responsable du mauvais niveau des enfants à l'école, de leur manque d'empathie et de leur violence. Mais se demande-t-on suffisamment pourquoi l'on joue? Qu'est-ce qui nous attire dans les jeux vidéo? Quelle place ils prennent dans nos vies? J'ai posé cette question à différents joueurs et joueuses, jeunes et âgés, car il est temps de considérer le jeu vidéo comme un objet culturel normal, que l'on peut regarder de manière nuancée, avec ses bons et ses mauvais côtés. Oh, excuse, je voulais faire une faute. La vie, je voulais faire une faute. La vie, j'ai oublié de faire X. Je te jure, j'ai oublié de faire X. F fait plus faute. Non, je sais faire des fautes, t'inquiète. C'est juste, j'ai oublié de faire X. Excuse. Bonjour, je m'appelle Wael, j'habite à la Pennsylvanie. Quel âge avez-vous? J'ai 12 ans. On est où, là, tout de suite? On est à la médiathèque Don Quichotte de la Pennsylvanie. Et qu'est-ce qui a lieu cet après-midi? Un tournoi FIFA, FIFA 20 plutôt. On a fait le premier match en compagnie de mon coéquipier et on a su gagner 2-1. Ça fait longtemps que vous jouez à FIFA? Je joue depuis... En fait, j'étais sur Wii en 2011, fin d'année 2011, quand c'était connu la Wii, je jouais sur FIFA 12. Et après, j'ai basculé... À quel âge? FIFA, FIFA à 4 ans, 5 ans. À 4 ans, 5 ans, vous avez commencé? Quand vous aviez 4 ans, 5 ans? Mais c'était sur Wii, c'était pas pareil que... Et après, j'ai basculé sur PS3, FIFA 13. Après, j'ai pas testé FIFA 14, j'ai joué à FIFA 15. FIFA 16, j'ai installé la démo, j'ai pas joué. J'ai joué à FIFA 17 sur PS3 aussi. Et dès que FIFA 18 est sorti, j'ai acheté la PS4. Et dès que j'ai acheté la PS4, et ben voilà, la PS4, déjà, les graphismes, il est mieux que la PS3. Et il y a plus d'options dans le jeu. En fait, moi, avant, je jouais beaucoup. Ça devenait un petit peu une addiction. J'avais plus faim, je mangeais pas. Pendant les vacances, je jouais toutes les journées, tout. Je vous mens pas, je me réveillais à 8h et j'ai resté scotché sur la Play. Mais après, j'ai dit, ça de rester scotché, déjà ça me faisait mal à la tête et jouer, je profitais même pas de dehors Vraiment, en fait, faut pas que ça devienne une addiction, mais il faut quand même s'amuser de temps en temps. Par exemple, mercredi, le week-end et quelques fois dans la semaine, ça fait du bien pour les gens qui jouent à FIFA depuis très longtemps. Et toi, personnellement, qu'est-ce que t'aimes bien dans FIFA? En fait, moi, j'ai envie de jouer et penser que c'est la vraie réalité. Et la vraie réalité, c'est... J'ai envie de jouer et penser que c'est un vrai match. Tu joues à d'autres jeux vidéo? Non, je préfère FIFA. Un ou deux. Je joue à Avengers. J'ai testé Avengers, j'ai testé la démo d'Avengers à la Paris Games Week, qui va sortir le jour de mon anniversaire d'ailleurs, le 15 mai. Tu l'attends? Oui, j'attends. Pourquoi? Parce que c'est un bon jeu, c'est toute mon enfance. J'ai des figurines Avengers, j'ai des figurines de catch, j'ai tout, ça c'est toute mon enfance. Qu'est-ce que tes parents t'ont dit quand tu jouais toute la journée à FIFA? Mes parents, ils m'ont dit qu'est-ce qu'ils attendaient les grandes vacances quand j'ai toute la journée à FIFA. Hein, c'est à nous? Ah ben c'est à nous, donc je vous répondrai après. Bonne chance. T'as vu? Oui, si. Tiens, vas-y, va. Marie-Jo Andus-Faris, nous sommes chez vous, dans votre belle maison, tout en bois, au milieu du Morbihan, donc un tout petit village. On voit les arbres de vos belles baies vitrées. On a du soleil qui Bienvenue. Passe. Donc, merci d'avoir réservé un peu de beau temps pour nous et pas que de la pluie. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis une retraitée qui n'a rien à voir avec la Bretagne. Et je suis fan de jeux vidéo depuis 92. Marie-Jo, vous avez quel âge aujourd'hui? Je vais avoir 76 ans. Donc, en 92, la Super NES est sortie chez Nintendo. Et pour Noël, j'ai acheté, mon fils devait avoir 12 ans ou quelque chose comme ça. Et je lui ai acheté une Super NES avec Zelda, le Secret of Mana. Qu'est-ce que je lui ai acheté encore? Je ne sais plus. Enfin, une série de jeux qui étaient adaptés à cette console. Et puis, je le regardais jouer. Ben, ça me faisait comme si j'avais un dessin animé à regarder. Bon, c'était à Noël. En février, il part en vacances de février. Donc, j'avais plus mes dessins animés, moi. Donc, j'ai dit, il faut que je m'y mette. Hein. Donc, j'ai allumé la console, j'ai pris la manette et puis j'ai commencé à jouer. Alors, évidemment, les premières minutes ont été catastrophiques. Pourquoi? Parce qu'on est mouru tout de suite, comme on dit dans le métier. parce que j'avais pas les réflexes, parce que je savais pas encore jouer, il faut apprendre. Et puis je m'y suis mise, et puis quand mon fils est rentré, je jouais. Je jouais peut-être pas aussi bien que lui, mais je commençais à jouer bien. J'ai beaucoup accroché avec Zelda, c'était à l'époque Link to the Past. J'ai tâté à la PlayStation à l'époque, la première PlayStation, avec Final Fantasy VII, qui m'a emballé complètement. Qu'est-ce que c'est fantastique ce truc. Sur Nintendo, j'ai eu la Nintendo 64 après, parce que j'ai suivi, en fait, chaque fois qu'ils sortent à Zelda, ça sort avec une console. Donc, il y a eu Ocarina of Time, qui est un des Zelda les plus élaborés, les plus chouettes qu'on ait jamais eu. Quand la Switch est sortie il y a 2 ans, là, je léchais mon écran en me disant... En faisant mes comptes et en me disant « je vais jamais avoir les moyens de me payer la Switch, c'est horrible ». Et puis j'en parle à mon fils. Et puis le Noël suivant, j'ai eu ma Switch avec 3 jeux. Et en plus de ça, le Noël dernier, j'ai eu la PS4. On va faire une partie alors? Ah oui. Oui. Ah là, je vais faire une démo sur Zelda. Sur un des jeux de Zelda que j'ai entamé, j'avais sauvegardé. Et là, je suis sur l'énigme des 2 roues. C'est-à-dire, j'ai le Piaf voyageur avec son accordéon qui m'a chanté une énigme Donc l'énigme est la suivante. Alors, il lui dit... Voilà. Alors, quand deux roues d'une flèche auront été percées... L'épreuve du héros te sera révélée. En attendant que soit résolu ce mystère, je te souhaite de toujours marcher dans la lumière. Voilà. Alors, on a des blocs de rochers sur lesquels il y a des espèces d'arches avec des trous. Alors là, j'ai un Higas qui vient d'apparaître. En plus, je viens de me faire... à moitié tué. Oh, puis il y en a deux. Alors là, il va falloir que je me dépêche. Heureusement, là, je suis mouru une fois, mais heureusement, j'ai un truc qui me redonne toutes mes vies. Marie-Jo, oui. Est-ce que vous jouez tous les jours? Ah oui. Ah oui. En général, vous y passez combien d'heures par jour? Minimum une heure par jour, le maximum c'est 8 heures. Carrément. Là, c'est les jours ouvrables. Et je vois que vous avez un siège tout à fait adapté pour rester 8 heures devant la console. Oui. Alors ce siège n'est pas seulement adapté pour jouer, c'est un siège ergonomique que j'ai acheté, ça fait 25 ans que je l'ai. Je l'ai payé une petite fortune. C'est vraiment un truc, heureusement que je l'ai parce que j'aurais mal au dos tout le temps. Il n'y a pas un bon gamer sans un bon siège. Absolument. Marie-Jo, qu'est-ce que vous recherchez surtout dans les jeux vidéo quand vous allumez votre console? Alors plusieurs choses. D'une part, bien sûr, le jeu en soi, jouer. S'amuser. Je dirais plus s'amuser que jouer, d'ailleurs. Il y a des choses qui sont marrantes. Et puis, j'oublie tout ce qui m'embête. S'il y a des soucis ou si j'ai une mauvaise nouvelle, le fait de jouer, ça va me remonter le moral. Alors, il y a ce côté-là aussi. Très souvent, quand on a de l'âge qui vient nous embêter, qui vient se faire souffrir nos articulations... Eh bien, on oublie qu'on a mal quelque part. Et puis, on peut faire bouger le personnage. Et ça, c'est important. De retrouver cette espèce de mobilité qu'on a perdue. De dynamisme aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une amélioration de ma mémoire. Parce qu'il faut, surtout dans ce type de jeu de rôle comme Zelda ou Final Fantasy, avoir toujours en mémoire tout ce qu'on a fait, tout ce qui nous reste à faire, les objets qu'on a croisés, qu'il va falloir réutiliser, c'est ça ? On a intérêt, oui. Par exemple, un truc qu'on apprend au début du jeu, et à peu près aux trois quarts du jeu, ça réapparaît. Donc on a intérêt à se rappeler, parce que sinon on n'a pas l'élément. Il nous manque quelque chose pour aller plus loin. Donc, y a ça, et puis, j'ai un petit peu plus, je suis plus réactive. Je trouve que je suis plus réactive, que j'ai accès à ma petite bibliothèque intérieure plus facilement. J'arrive à faire à construire des raisonnements d'une manière plus élaborée, plus sophistiquée. Je vais trouver des solutions plus rapidement à des petits problèmes du quotidien. C'est quand même bien, bien pratique. Hein. Je suis peut-être ralenti physiquement, mais par contre, le cerveau fonctionne. Et puis, on est un peu un héros aussi. C'est sympa. À notre époque où on est constamment obligé de prouver aux autres qui on est, pourquoi, machin, là, on peut arriver à prouver qu'on est des héros tous les jours et facilement. Marie-Jo, vous avez traversé une période de chômage, vous avez aussi une maladie qui vous empêche de beaucoup bouger. Est-ce que le jeu vidéo a été une aide dans ces périodes difficiles, devant ces obstacles dans la vie ? Complètement. Parce que ce que je n'arrivais pas à réaliser dans la vie quotidienne, je réussissais dans les jeux vidéo. Donc ça compense. Ça permet de se défrustrer. Et puis ça donne confiance en soi. Pour la maladie, moi, oui, effectivement, je suis née fibromyalgique. Alors, c'est pas une maladie génétique ni congénitale, mais depuis l'âge de 40 ans, j'ai vu ma vie se ralentir considérablement, et c'est carrément un handicap. À l'heure actuelle, je suis très sédentarisée et je peux pas faire plus de 20 mètres. Donc, ça fait des randos un petit peu courtes. Si bien que les jeux vidéo me permettent justement, surtout en open world, de faire bouger mes héros et de revivre des sensations que je n'ai plus, que je ne peux plus avoir physiquement. Mais je les revis virtuellement. Et ça marche très bien. C'est-à-dire au niveau du cerveau, le cerveau, il est content. Par exemple, dans le dernier Zelda qui est donc paru avec la Switch, et qui s'appelle Breath of the Wild, c'est un truc fabuleux, c'est tellement beau, les paysages sont tellement beaux, que quand j'ai envie d'aller me balader en forêt, eh ben j'allume ma console, je rentre dans Hyrule, et je me balade dans les forêts où j'ai des oiseaux, où j'ai des papillons, où j'ai des fleurs, et je vais faire ma balade en forêt. Si je veux la faire à cheval, ben, je vais chercher mon cheval, ou un des chevaux que j'ai réussi à débourrer quelque part sur le domaine. Et voilà, c'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, j'arrive à faire des choses que je ne peux plus faire. Dans Breath of the Wild, je fais de la varap, alors que j'ai jamais fait de la varap dans ma vie. Le ballon pour Thomas Meunier, Marquinhos qui... passe à André Herrera, Mbappé, ça va. En fait, ça va vite pour. Ça débute très rapidement. Le gardien est bien sorti. Vraiment, les Parisiens veulent gagner. Ils se donnent les capacités de le faire. Le ballon pour Busquets. Busquets qui décale vers Luis Suarez. Mbappé qui décale vers Di Maria, Di Maria qui fait un Neymar, Neymar, Neymar toujours, qui rate sa passe. Ce traître. On sent que c'est pas tout à fait objectif quand même sur Neymar là. Oh là là, il joue perso, oh là là, il est nul. Suarez, qui joue pas en passe. Mbappé aussi, qui voulait se régaler. De Jong qui dribble, De Jong qui trouve personne, du coup il part tout seul. De Jong qui tire. Bien, bien, bien dégagé par Alphonse Areola. Oh, la retournée. Bon, well, est-ce que vous avez gagné? Oui. Ah, ben on a gagné. Est-ce que vous avez réfléchi? Qu'est-ce que disaient vos parents quand vous passiez vos journées sur FIFA? Ah oui. Ah, ben mes parents, ils n'étaient pas satisfaits de moi. Sûrement, ils ne savaient pas. Vous croyez vraiment qu'ils vont me laisser? Non, ils ne savaient pas et je jouais, ils ne savaient pas. Et après, dès qu'ils rentraient, je leur disais, mais de toute façon, ils savaient... Oui, c'était pas très content. Pas très content. Ah, mais de toute façon, c'était les vacances, donc il faut profiter au maximum. Et ça n'empêche pas d'être bon élève à l'école, de passer autant de temps sur FIFA pendant les vacances? Non, ça n'empêche pas du tout, parce que je suis délégué de ma classe, je suis un des délégués du collège et je travaille bien. Donc c'est pas fini? Non, c'est pas fini. Et la A, la A contre la F. Bastien Zaban, vous êtes sociologue, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 13 et vous avez fait une thèse sur les pratiques des joueurs et joueuses en ligne, notamment, aussi sur les concepteurs de jeux vidéo. Et vous faites partie de l'équipe de l'UDESPACE qui a duré entre 2011 et 2014 et qui, depuis, publie les résultats d'une grande enquête sur les joueurs de jeux vidéo. Et je voulais vous demander aujourd'hui, à quoi joue-t-on? Comment s'expriment les diversités de pratiques des jeux vidéo dans la population française. Nous, dans notre enquête, les 11-17 ans, tout le monde joue. C'est très clair. Et ensuite, la pratique tend à diminuer quand même plus chez les adultes, avec une représentation un petit peu plus importante des hommes. Donc chez les jeunes, donc entre 11 et 17 ans, on va avoir donc des pratiques qui vont être différenciées par le genre. Et par exemple, les filles sont plus présentes dans les jeux comme les jeux de danse, par exemple, et les jeux de simulation de vie sociale comme les Sims, Just Dance, les jeux qu'on avait à l'époque de l'enquête, alors que les garçons vont être plus présents sur les jeux de tir, de sport, d'aventure. Plus tard, en fait, chez les adultes, on a des variations là aussi qui s'expriment vis-à-vis du genre. C'est-à-dire qu'on va avoir moins de femmes qui jouent, encore une fois, à des jeux de tir, de sport, de course, etc. Ensuite, on a aussi des variations en termes de milieux sociaux qui montrent que les jeux vidéo sont présents dans toutes les catégories socio-professionnelles, mais on va avoir moins de cadres représentés dans les pratiques de jeux, de sport, de combat et plus représenté par exemple dans les jeux de stratégie et certains jeux en ligne particuliers qui sont oui, des jeux de rôle ou de jeux de stratégie. Est-ce que le solitaire sur l'ordinateur est un jeu vidéo? Et du coup, si on dit que le solitaire sur l'ordinateur est un jeu vidéo, quasiment tout le monde joue aux jeux vidéo. Il se trouve effectivement que le jeu le plus joué en France, mais de loin, hein, vraiment de loin, on est à 40%, je crois, sur notre échantillon de personnes qui ont joué dans l'année, c'est le solitaire. Et derrière, le premier jeu le plus joué, c'est Just Dance avec 10% des joueurs. Donc, en classant certains jeux plus du côté du jeu vidéo que d'autres, on classe aussi les personnes qui y jouent. C'est de dire typiquement que certains jeux ne sont pas de vrais jeux vidéo, c'est dévaloriser un peu les personnes qui y jouent. Si vous faites un test dans une assemblée, vous demandez qui est joueur de jeux vidéo, il va y avoir plus ou moins beaucoup de personnes qui vont se signaler. Si vous demandez est-ce que vous avez joué récemment à un jeu sur mobile ou sur ordinateur, un jeu préinstallé, là en général vous allez avoir à peu près tout le monde qui va vous dire oui ça m'est arrivé de le faire. Donc on a effectivement beaucoup de jugements moraux aussi attachés à la pratique du jeu vidéo qui viennent justement mettre une couche sur ces représentations et faire qu'on va pas forcément identifier dans leur diversité ces pratiques là. Ça fait maintenant quasiment 15 ans qu'on me dit « addict », merci World of Warcraft, aux jeux vidéo. Que j'entends des « no life », « c'est pas la vraie vie », etc. Que quelqu'un de « entre guillemets normal » ne passerait pas autant de temps derrière un écran. On m'a dit qu'il n'y avait pas de liens sociaux dessus, que ce n'était qu'un jeu sans fond réel et que les gens que je rencontrerais dessus ne seraient jamais de vrais amis. Mes proches ou ma famille ont plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme, que ça soit à travers mon éducation, ma scolarité et encore aujourd'hui. Mais je ne leur en tiens pas rigueur, car tant qu'on n'y a pas goûté, on ne pourra jamais comprendre cette partie de nous qu'on cachait il y a une décennie et qui aujourd'hui fait quasiment office de phénomène de mode. Je ne débattrai pas là-dessus car c'est complètement faux et vous le savez tous. Je ne citerai pas toutes et tous ceux que j'ai pu apprécier, connaître et aimer à travers ces écrans. Ces gens qui sont devenus importants dans ma vie et que j'ai forcément un jour insulté de noob, de DPS de merde ou de no brain. Mais je vous jure, je vous aime vraiment. Ce message de François est apparu dans mon fil Facebook alors que je préparais ce documentaire. Il réagissait à un événement caritatif où une grande communauté de joueurs et joueuses avait récolté en un week-end plus de 3 millions d'euros pour l'Institut Pasteur. François est mon cousin. Ces mots m'ont touché car on a joué ensemble, petit, à plusieurs jeux. Et je sais que sa passion pour le jeu de rôle en ligne World of Warcraft, WoW pour les intimes, n'a pas toujours été bien comprise dans notre famille. Une situation d'incompréhension qui me semble emblématique de beaucoup de tensions entre parents et enfants au sujet des jeux vidéo. Comment ta famille se représente le jeu vidéo ? De façon plutôt péjorative, on va pas se le cacher, même depuis plus de 13 ans où je commence vraiment à jouer de manière assez régulière aux jeux vidéo sur ordinateur, en fait. À chaque fois, c'est « mais sors, fais quelque chose de ta vie, il faut que tu te détaches de ce monde, c'est pas la réalité, etc. Tu vas pas faire quelque chose de ta vie en faisant ça. » Enfin, des répliques qu'on peut entendre entre guillemets habituellement de la bouche de mes parents, mais ils ont vraiment jamais été, même encore maintenant, même après mes plusieurs réussites professionnelles ou autres, pour eux, le jeu vidéo, pour eux, c'est toujours un problème. Il y a toujours quelque chose qui va pas, il y a toujours le mot addict qui revient à chaque fois qu'on parle de ça. Et autant avant, j'étais en mode, ouais, ils comprennent pas, autant maintenant, je dis, c'est pas grave, je leur en veux pas, je leur en tiens pas rigueur, ils comprennent pas juste, et c'est pas à moi de leur essayer, comme je dis sur mon post Facebook, c'est pas à moi de leur... essayer de leur faire comprendre quelque chose qu'ils n'ont pas vécu, en fait. Mais est-ce que t'aimerais que tes parents s'intéressent plus à ce que tu fais, ou au moins essaient de comprendre ce que tu vis sur les jeux vidéo, dans les jeux vidéo? Je pense qu'ils en sont conscients quand même, puisque j'ai parlé récemment avec ma mère quand justement je suis allé voir justement ses potes à Nantes, où en plus j'ai eu un entretien d'embauche là-bas, justement grâce à un ami que je me suis fait sur les jeux, parce qu'ils l'ont entendu parler de l'offre d'emploi. Ma mère me dit justement, mais voilà, c'est bien, t'arrives à voir du monde justement que t'as rencontré, etc. Donc c'est un peu en train de changer, en tout cas par rapport aux liens sociaux, sur le fait de pourquoi je passe autant de temps, pas encore, mais sur le fait que c'est aussi presque un réseau social, ouais, pour le coup, ils commencent à comprendre. Est-ce qu'ils sont joueurs de leur côté? Est-ce qu'ils jouent à des jeux vidéo? Alors ma mère, pas du tout. À la limite, la seule fois où elle passait derrière l'écran, elle trouvait ça beau, parce qu'elle aimait bien les graphismes, elle aimait bien les paysages. Et mon père, pour le coup, il a rien à dire là-dessus, parce que c'est lui qui m'a fait jouer à Age of Empires 1 et à Warcraft 1 la première fois, quand il avait récupéré en disquette craquée sur son PC de boulot à l'époque. Mais le seul jeu auquel il jouait tout seul, c'était Flight Simulator, quoi. C'est un simulateur de vol, on fait comme si on était un pilote dans un cockpit. Pour la population en général, les conduites qu'on peut observer sont des conduites qui sont largement gérables par les parents. Psychologue et gamer. Est-ce qu'il faut nécessairement sortir les enfants de Fortnite? Je suis pas sûr, ou de tout autre jeu vidéo. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est leur apporter les éléments dont ils ont besoin pour grandir. Et si, pour grandir, ils ont besoin de jouer à Fortnite, ou de jouer aux échecs, ou de jouer ou de faire du surf, eh bien, le job des parents, je crois, c'est de leur apporter des échiquiers, des consoles et des ordinateurs ou des planches de surf. Ce qu'il faut voir, je crois, c'est de voir si les voyants du développement sont au vert. Est-ce que l'enfant se développe bien? Est-ce qu'il a bon appétit? Est-ce qu'il a des relations amicales qui sont satisfaisantes? Est-ce qu'il a un bon rendement dans son travail intellectuel? Est-ce qu'il travaille bien à l'école? Et quand tout est au vert, eh bien, il n'y a pas de limite à mettre sur les loisirs des enfants. S'il y a quelque chose qui est problématique, plutôt que de mettre des limites sur un loisir, il vaut mieux essayer de voir avec l'enfant, si c'est possible, quels sont les domaines qui sont problématiques. Et si ce n'est pas possible de le voir avec l'enfant et trouver une solution, de se tourner vers un professionnel pour trouver des solutions. Est-ce que tu sais à peu près combien de temps tu as passé sur World of Warcraft ? Alors ça peut se vérifier, mais en termes de temps de jeu effectif, je pense que je suis à plus d'un an de jeu consécutif sur plus de 13 ans. Quoi. Ouais, je pense facilement, ouais. Facilement. Est-ce que tu as l'impression que ce temps que tu as investi dans le jeu t'a empêché de faire autre chose? Bah, les temps objectifs, oui, sûrement, mais... Après, je le vois pas comme quelque chose de négatif ou en mode ah, putain, j'ai raté ma vie, j'aurais pu faire autre chose à côté, quoi. Oui, c'est sûr, c'est évident qu'on pourrait faire autre chose que 365 jours cumulés, mais pour moi, je le vois pas comme un temps perdu, en fait. J'ai un tempérament très actif où j'ai besoin de bouger, c'est juste que le jeu vidéo vient compléter toutes mes autres activités, en fait, puisque à côté de ça, je fais de la musique, je faisais pas mal de modélisme, bah, tu le sais, on en faisait ensemble. J'ai peint, je fais beaucoup de sport, plusieurs sports, j'ai fait du judo, de l'athlétisme. Et c'est vraiment une activité en plus, en fait. C'est pas au détriment de quelque chose. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Mathilde Rémy a été l'une des rares femmes journalistes de jeux vidéo dans les années 1990 et 2000. Elle travaillait sous le nom de Wanda, en particulier dans le magazine Joystick. Mais Mathilde est avant tout une grande joueuse, une hardcore gameuse, comme on dit. Et du fait de sa profession, elle a toujours analysé sa pratique sans faux semblant. J'ai commencé à jouer quand en fait je me suis échappée de chez moi, quand je suis arrivée à Paris en tant qu'étudiante. Je viens d'une famille qui est de la petite bourgeoisie de province, avec une culture assez traditionnelle. Donc en fait, il y avait des arts nobles qui étaient la littérature, la grande musique, l'architecture, et puis il y avait des arts mineurs. Même le cinéma, en fait, à l'époque chez moi, était considéré comme une perte de temps, quoi. C'était même pas un art mineur, c'était une distraction, plus proche de la perte de temps qu'autre chose. Et le jeu vidéo, il en était même pas question. J'ai vraiment attendu d'arriver à Paris, et là, je me suis acheté. C'était l'époque de la Game Boy. Je me suis acheté la Game Boy. C'était le moment, en plus, où je commençais. C'était le moment où je commençais à travailler. Donc j'avais un petit peu d'argent. Je me suis acheté donc la Super Nintendo. Et puis là, j'ai commencé à jouer, quoi. En fait, j'avais découvert un peu avant. Non, chez des amis. J'avais découvert en fait les jeux sur Atari, les Pong, tout ça. Mais j'ai plongé vraiment quand moi avec la Game Boy et donc l'univers Nintendo. Mathilde, est-ce que vous diriez que les jeux vidéo vous ont formé de la même façon que la littérature, le cinéma que vous avez pu voir justement en étant plus jeune? Pour moi, la littérature, ça a été mon fil rouge pendant toute ma jeunesse. J'ai énormément lu et c'était vraiment ce qui me faisait vivre en fait, ce qui me donnait ce soutien, cette évasion. Je découvrais des nouveaux mondes et en fait dans le jeu vidéo, j'ai retrouvé cette impression de découvrir de nouveaux mondes dans lesquels là j'étais plus active. Je pense notamment à tout ce qui était jeux d'aventure et voilà. Je sortais d'un monde où les règles de jeu n'étaient pas forcément très claires, où les choses pouvaient changer assez rapidement du jour au lendemain avec des personnes autour de nous, selon leur humeur, leur envie, selon aussi notre compréhension à nous. Et dans les jeux vidéo, les mondes qui s'offraient à moi, j'avais pas besoin d'aide pour qu'on m'explique. Enfin, ça, je comprenais comment ça fonctionnait. Je comprenais que si je faisais certaines choses, ça marchait, et que si je comprenais ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. J'avais qui m'était offert en fait des mondes qui étaient justes. En fait, c'est ça que j'aimais dans le jeu. Le jeu vidéo propose un environnement qui, de fait, est extrêmement sécurisant. Yann Leroux, est-ce que le jeu vidéo n'est pas aussi le meilleur des refuges? Moi-même, quand soit j'ai trop de travail, trop de tension, trop de stress, pour plein de raisons, je vais avoir tendance à vouloir jouer à un jeu vidéo qui me permet de reposer mon cerveau justement des tensions de mon quotidien, d'avoir comme ça un espace préservé. Alors, c'est pas... Je crois que le problème, c'est de ne pas trouver un espace sécur. Donc c'est vraiment ça, pour moi et puis pour d'autres, hein, la grande question, est-ce que le fait d'essayer de trouver à l'intérieur du jeu vidéo un espace dans lequel on va être temporairement isolé des problèmes de ce monde, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est problématique par ailleurs? De ce que moi j'ai observé et puis de ce que je peux lire dans la littérature qui est publiée à ce sujet et de l'interprétation que je peux y mettre, il n'y a pas à s'inquiéter. Le fait de se tourner vers les jeux vidéo n'est pas nécessairement quelque chose de problématique. Est-ce que le jeu vidéo peut amener des pratiques aussi compulsives qui sont à critiquer? Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas tranché. Est-ce que le jeu vidéo suscite des pratiques qui sont compulsives, excessives ou addictives, ou est-ce que ce sont les gens qui ont des traits compulsifs, addictifs, qui vont vers les jeux vidéo? L'Organisation mondiale de la santé a décidé de classer le trouble addictif aux jeux vidéo comme une maladie psychique, de la même façon que les troubles liés à l'addiction aux jeux d'argent. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne façon de procéder? C'est la pire façon de faire, de mon point de vue. Le trouble de l'addiction aux jeux vidéo tel qu'il a été créé par l'OMS est trop large, donc il va apporter des diagnostics qui vont être des faux positifs. On va pathologiser des comportements qui ne le sont pas. De fait, là, on voit que la psychiatrie et la psychologie clinique sont convoquées pour être au service du pouvoir. Et on le voit en Chine, il y a des dispositions qui ont été mises en place pour limiter le temps de jeu des Chinois. Et le raisonnement derrière, c'est de dire, c'est une mesure de santé publique, puisqu'il y a quand même un trouble de l'addiction aux jeux vidéo qui existe. Donc les jeux vidéo, typiquement, quand il y a un problème de violence avec les jeunes, c'est les jeux vidéo. Il y a un problème avec l'éducation, ça va être les jeux vidéo. Il y a un problème dans les apprentissages scolaires, ça va être les jeux vidéo. Il y a un problème dans le sommeil des jeunes, ça va être les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça marche pour tous les maux de notre société. Les deux grandes découvertes pour moi, ça a été le RTS et le FPS. C'est-à-dire, oui, le jeu de le RTS est Real-Time Strategy, donc stratégie en temps réel, et le FPS, First Person Shooter, c'est-à-dire les jeux de tir à la première personne, c'est-à-dire en fait en vue subjective, quand nos yeux sont la caméra et qu'on voit juste nos mains, et avec évidemment au bout de nos mains, une arme. Et en fait, le jeu d'aventure que je connaissais sur console, c'était plutôt mignon. C'est le côté japonais, cute et tout. Et en fait, là, j'ai découvert quelque chose qui était beaucoup moins mignon et qui, moi, me parlait vachement. J'ai découvert, en fait, le plaisir de tuer. Le plaisir de diriger ses armées. Et c'était ce truc. J'ai vraiment, là, le jeu est devenu, après un autre rôle dans ma vie, je m'évadais plus. C'était vraiment presque de la catharsis, quoi. Je laissais s'exprimer les côtés les plus noirs, en fait, de ma personnalité, je devenais méchante, je devenais je tuais. J'ai toujours considéré que le jeu c'était fait pour faire ce qu'on n'arrive pas à faire dans la vraie vie. Mathilde, en dehors de votre travail, vous passiez combien de temps à jouer? À l'époque? Non. Oh. Alors au début, je sais que je passe, oh là là, mon Dieu, je sais plus, mais beaucoup. J'étais capable de passer des nuits. Et en fait, c'est avec l'arrivée de mon fils. Quand mon fils est né, il y a eu ce conflit vraiment de en termes de temps, tout simplement. C'est est-ce que quand je me réveille le matin après avoir dormi 2 heures parce que j'ai passé ma nuit à jouer, ou même que je n'ai pas du tout dormi et que mon fils se réveille et qu'il faut que je sois en capacité de m'occuper de lui, est-ce que je le suis vraiment? Et ben en fait, la réponse est non, quoi. Je pouvais pas être en capacité d'être une bonne mère. Quand je me suis heurtée à ce mur et que le choix c'était de réduire les jeux vidéo, ça a été très dur. C'était une vraie frustration, une vraie privation, mais je l'ai fait parce que c'était je pouvais pas accepter d'être une mauvaise mère en fait. Donc moi je considère que la naissance de mon fils en fait ça a été une chance pour moi puisque ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis de grandir et de sortir d'une sorte de phase d'adolescence où j'étais bien hein. C'était vraiment revenir dans la vraie vie et reprendre la main sur ma vie et une chance de remettre ma vie en ordre. Mathilde, est-ce que vous jouez aujourd'hui? Aujourd'hui, moi je ne joue plus du tout. Mais vraiment plus du tout, j'ai eu avec l'arrivée de Gênes, donc j'ai commencé à moins jouer. J'ai eu une période qui était vraiment très casual où j'ai joué sur mon téléphone. Donc j'ai essayé Candy Crush, par exemple, ou Clash of Clans. J'ai eu cette période casual, et là, aujourd'hui, en fait, je joue plus du tout. Je joue plus du tout, je suis vachement plus investie. C'est bizarre, hein, je suis très investie dans la vraie vie. Yann Leroux, pourquoi joue-t-on alors à des jeux vidéo? Alors on joue aux jeux vidéo parce que c'est extrêmement fun. Et on n'a pas beaucoup l'occasion dans notre société, une fois devenu adulte, de pouvoir jouer. Pourtant on sait que le jeu c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça permet de créer des liens sociaux, de les maintenir, d'explorer la personne que l'on est. suffit de voir une partie de carte avec Pagnol. Si les enfants ou les adolescents passent beaucoup de temps sur Fortnite, qui est un jeu de Battle Royale où 99 joueurs se retrouvent sur une île et il ne doit en rester plus qu'un, donc c'est du tir à la première personne, et ça a suscité beaucoup d'engouement chez les jeunes joueurs, notamment les adolescents ou les préadolescents. Est-ce que ce n'est pas aussi pour juste traîner avec des amis de la même façon qu'ils le faisaient au centre commercial avant ou dans une rue ou dans un parc? C'est pas moi qui invente cette analogie, c'est Dana Boyd qui a écrit un livre qui a été traduit d'ailleurs il y a peu et qui s'appelle C'est compliqué, et qui elle faisait le parallèle entre les réseaux sociaux et le centre commercial de son enfance. Alors oui, ça marche comme ça. Il y a une notion qui explique bien ça en sociologie, c'est la notion de tiers-lieu. Le tiers-lieu, c'est un espace qui est entre l'espace du travail et puis la maison. Aux États-Unis, typiquement, c'est le barbershop. Vous débouchez de l'usine, vous n'allez pas rentrer immédiatement chez vous parce que il y a les gamins, il y a votre femme qui vous attend, il y a les factures. Vous arrêtez au barbershop. Au barbershop, tout le monde vous connaît. On vous appelle par votre prénom. Vous êtes toujours le bienvenu. Vous pouvez y rester 5 minutes ou 3 heures. Personne ne vous pose de questions. Les jeux vidéo fonctionnent vraiment comme cela. Au moins, les jeux vidéo en ligne, vous vous connectez. On vous pose pas de questions. On vous prend pour ce que vous déclarez être. Si vous dites que vous êtes Rastofir, que vous êtes un tauren et que vous êtes chasseur, on ne vous pose pas la question de savoir si vous êtes français ou sénégalais, blanc ou noir, psychologue ou psychanalyste, et vous avez beaucoup de ça vous repose de beaucoup de choses. Franchement, ça vous sauve la vie. Donc ça marche pour les vieux psychologues, et ça marche aussi pour les jeunes digiborigènes qui trouvent dans ces lieux-là des espaces où on peut communiquer, discuter avec les amis. Ce que les études montrent, c'est que les jeunes jouent en ligne avec leurs copains d'une façon générale. Quand vous jouez à Fortnite, vous retrouvez les gars de la 6e verte. Vous n'allez pas beaucoup plus loin. Si vous jouez avec de parfaits inconnus, là, pour le coup, pour les parents, si systématiquement un enfant en ligne joue avec de parfaits inconnus, il y a une lumière qui doit s'allumer parce que ça veut dire qu'il n'a pas développé les compétences qui lui permettent d'interagir et de se faire des copains dans son collège ou dans son lycée. Et ça, c'est un problème. Le problème, c'est pas de jouer aux jeux vidéo. Le problème, c'est de ne pas pouvoir développer des compétences sociales pour avoir des relations amicales dans la vie de tous les jours. Tiny, think I'm Tiny devoiding it. Ta-da! François, est-ce que tu as l'impression que aller sur World of Warcraft était un peu la même chose aussi que se retrouver dans un espace, un parc ou un bar ou devant un flipper comme l'ont pu faire les générations d'avant pour discuter avec des amis? Oui, pour moi c'est vraiment la même chose, quoi, que ça soit derrière un écran, derrière un jeu, dans un bar, derrière un même quand on se dit vas-y on va faire un bowling, on va se faire un billard. C'est la même chose, c'est même plus simple des fois par rapport à la contrainte de distance. Par exemple, pendant mes études, j'étais à Nancy, je pouvais pas voir tous mes potes de Paris, du coup, parce qu'il y avait bien 400 km de distance, et on se retrouvait justement sur les jeux, que ça soit WoW ou autre chose, hein, mais sur des serveurs vocaux, Mumble, TeamSpeak, etc., maintenant Discord, et on se retrouvait et on partageait quelque chose, quoi. Pour moi, c'est vraiment comme si on partageait un sport ou qu'on allait faire une activité ensemble, en fait. En plus des autres, c'est pas pour ça que je mets à côté tout ce qu'on peut faire, mais quand des fois on n'a pas le choix lié à la distance, justement, ben ça permettait de se retrouver, quoi, et de partager quelque chose en commun. Est-ce que tu dirais que le jeu était moins important que les amis que tu y retrouvais? Bah, complètement. Franchement, je pense que j'aurais arrêté plein de jeux si mes potes n'étaient pas dessus, en fait. Je me suis mis à des jeux grâce à des amis. J'ai arrêté des jeux parce que justement mes amis n'étaient plus dessus, alors que j'aurais pu continuer, quoi. Ces amis que tu as rencontrés grâce aux jeux vidéo, est-ce qu'ils sont tous en France ou t'en as aussi rencontré un peu partout dans le monde? On a souvent cette image de justement des jeux vidéo qui permettent d'apprendre l'anglais et de rencontrer d'autres personnes. Bah moi, c'est sûr que l'anglais, je l'ai appris grâce aux jeux vidéo, enfin réellement, couramment. Et bah, par exemple, sur les jeux de tir, en fait, on est sur des serveurs européens, donc clairement, on parle tous anglais. Et je me suis fait des amis, il y en a un qui habitait au Canada, justement, quand j'étais dans une guilde sur World of Warcraft qui raidait tard la nuit. En fait, c'est quand j'ai commencé l'intermittence et que clairement, je travaillais tous les soirs. Et en fait, je pouvais jouer réellement que la nuit, bah, j'y avais trouvé une guilde québécoise. Parce que, bah, en fait, eux, ils raidaient à l'heure québécoise, donc à 20h là-bas. Mais bon, du coup, ici, il était 2h, 3h du mat, quoi. Et j'avais une chef de guilde qui était au Pérou. J'ai un pote qui est à Londres. Alors, j'ai personne qui est vers l'Asie. Mais en tout cas, ouais, vers les communautés francophones, ouais, c'est assez facile entre le Québec et toutes les dom-toms, en fait. C'est assez simple de faire, en tout cas, le tour du monde de la francophonie, quoi. Est-ce que ces amitiés internationales permettent aussi de partir en vacances facilement ou d'accueillir des gens chez toi qui viennent de loin Alors que ça soit international ou autre, c'est vrai qu'il y a une espèce de petite tradition, c'est beaucoup plus sympa pour déjà aller boire des coups ensemble, se rencontrer justement en vrai, ce qu'on appelle des IRL en fait. On se retrouve tous, donc en général chez celui qui a la plus grande maison, donc clairement pas chez moi, et souvent en métropole parce que ben on essaye de faire en sorte qu'elle soit le moins loin pour tout le monde, mais on a déjà fait une IRL où il y a deux personnes qui venaient, enfin un couple du coup qui venait d'Australie, un couple qui venait du Québec et justement la chef de guilde qui venait du Pérou en fait. On s'est tous retrouvés en Ardèche en fait, dans une maison en Ardèche pour 3 jours en fait. On s'est tous éclatés en fait. François, tu as aussi rencontré ton ex-copine sur les jeux vidéo, si je me trompe pas. Comment ça se fait de rencontrer comme ça un petit copain ou une petite copine sur un jeu vidéo? Le fait qu'on se fasse des potes, ben il y a des fois, comme dans la vraie vie au final, c'est des potes deviennent des super potes, des confidents, et de fil en aiguille, après des fois ça peut devenir ben ta petite copine ou ton petit copain en fait. Et des histoires comme ça, pour le coup, dans WoW, j'étais dans une guilde qui a un rassemblement de joueurs en jeu en fait, où sans exagérer, on était une quarantaine, il y avait la moitié qui était en couple et qui avait des enfants, entre ce qu'on appelle des enfants de World of Warcraft en fait, parce que c'est des enfants qui sont nés de l'union en fait de joueurs en fait qui sont rencontrés sur ce jeu quoi. C'est, pour moi, c'est assez fréquent, je trouve pas ça aberrant non plus, parce qu'au final on partage la même passion, on parle et on rigole de choses, en tout cas qu'on connaît, au moins les deux personnes connaissent, vu qu'on est au moins peut-être 4 heures par jour tous les soirs ensemble sur le même jeu, donc on a la même passion, on parle de la même chose, on rigole sur la même chose, on a le même cercle d'amis au final. Pour moi, ouais, c'est, je dis pas que c'est la meilleure, pour moi il n'y a pas de meilleure façon de rencontrer quelqu'un, mais en tout cas ça crée un cadre qui fait que on est plus enclin à déjà comprendre la passion de l'autre en fait. Et surtout on s'arrête pas juste au physique, parce que de toute façon on le connaît pas au départ, le physique de la personne qu'on lui parle. Peut-être qu'on se serait jamais rencontré autre que via un jeu. Je veux dire, j'ai un ami qui est CRS, j'ai une amie qui est prof de sport. Un ami qui est CRS, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai un ami qui est CRS, une amie qui est prof de sport, d'autres qui sont étudiants, d'autres qui ont plus de 35 ans. Il y en a un qui est apiculteur. Enfin, je les aurais jamais rencontrés, déjà parce que géographiquement, on vient tous des quatre coins de France. Je pense qu'on se serait jamais parlé autrement. Et vraiment, il n'y a pas de barrière sociale, en fait. Quand tu vois quelqu'un en face, quand tu vois un magicien, je sais pas trop quoi, tu sais pas s'il gagne 40 000 par mois, s'il gagne 1 000, tu sais pas quel âge il a. Et vraiment, t'es vraiment transparent vis-à-vis de l'autre, en fait. Tu sais pas d'où il vient, tu peux déjà pas avoir d'a priori physique ou de conditions sociales, en fait. Et pour moi, c'est ça que je trouve bon, en fait. Il y a souvent cette impression que dans le grand public, que les jeux vidéo isolent. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez rencontré des gens grâce aux jeux vidéo? Ah ben complètement. Et puis rencontrer des gens d'une manière multigénérationnelle. À l'heure actuelle, j'ai des potes de 12 ans, j'ai des amis de 20-25 ans. Pour moi, qui ne peux pas bouger, puisque je suis complètement sédentarisé à cause de mon état de santé, eh ben, je fais le tour du monde grâce à ça. comme je parle bien anglais, bah, j'arrive aussi à discuter avec des gamers anglais ou anglophones, en tout cas, dans le monde entier. J'ai un petit copain coréen de 14 ans qui est gamer. Il habite Busan. Voilà, en Corée du Sud. Bah oui, bah j'aurais pas ça si je jouais pas aux jeux vidéo. Marie-Jo, est-ce que en tant que senior gamer, comme vous vous appelez, il vous semble qu'il n'y a pas toutes les infrastructures pour échanger peut-être avec d'autres personnes de votre âge qui jouent et qui peuvent avoir les mêmes difficultés que vous ? Il faudrait... Le problème qu'à mon âge, on a avec les jeux vidéo, c'est qu'un jeu qu'on ne connaît pas et qu'on découvre, il y a des moments où on est bloqué. Alors bon, on va surfer sur Internet, on va surfer sur des sites de gamers, etc. Alors déjà, ils ont un jargon qui est très difficile à comprendre pour des gens de ma génération. On est obligé de deviner. On devine pas toujours que les bonnes explications pour les mots qu'ils utilisent, si on peut appeler ça des mots. Et puis, il y en a certains qui nous jettent, carrément. Et puis, ils vont trop vite. Donc, j'ai essayé de trouver des gamers comme moi. Et j'ai galéré, j'ai trouvé une seule personne. C'est une nana qui a un an de moins que moi, qui est dans le sud. Elle est fan de Zelda, elle aussi, bien sûr. Et ben, on se téléphone comme des petites filles, puis on se dit, bon, alors, t'es bloqué à quel endroit et tu fais comment pour sortir de là? Et bon, voilà, et on se donne des conseils. Et alors, il m'est venu une idée, c'est de créer une hotline pour senior gamer. Mais ça, je peux pas le faire toute seule. Donc, comment monter un truc comme ça? Que vous voulez faire une partie d'Overwatch? Bah, allez sur Overwatch et là ça va gueuler. Mais, si tu veux. Allez. C'est un jeu de tir à la première personne en fait, mais il y a plusieurs personnages et chaque personnage en fait a des capacités spéciales. Et c'est vraiment un jeu qui est basé sur l'esprit d'équipe. Tu peux pas jouer tout seul, tu peux pas gagner tout seul en fait. T'es obligé de jouer avec tes coéquipiers et de mettre en place des stratégies et des combos pour gagner en tout cas au plus facilement la partie quoi. La partie se lance, vous attendez... C'est ça, là, on choisit d'abord notre composition qu'on peut changer au cours de la partie. Et là, le but, ça va être de défendre deux points, en fait, avant que l'équipe prenne position sur le point, en fait. Donc là, on voit deux bras à ton écran avec deux pistolets ouais, dorés. C'est vraiment vu à la première personne, en fait. Bienvenue, désolé. Donc, tu évolues dans un paysage en 3D. C'est ça. Donc là, on sait que les ennemis vont arriver là et le but, il ne faut pas qu'ils prennent justement ce point A. Et il y a la même chose au point B, en fait. Moi, tu sais, je suis en train de me dire que j'ai pris Anna, mais il n'y a plus personne à Anna. Si, moi. Je dors. Ça devient drôle. Il y a Zina qui dort, là. Voilà. J'ai envie de dormir derrière. Divanomec. Grenade. Super. Hop, t'as assez près d'or. Allez, go. Aïe, aïe, aïe. Ça va être chaud. Il y a le Reaper. Ouais, non. Le Sigma est lourd, hein, en haut. Ah, ben c'est le Reaper qui fait chier. L'ange avec les fissiles, quoi. Mais moi, les tanks, ils me surfocus, hein. Eh ben. Ah, genre. Bah, j'ai buté le Reaper, j'ai pas eu le temps de me faire. Il est caché. Ah. Ah, là, c'est pas grave. Tant pis. C'est pas grave. C'était une belle démonstration de défaite. Un peu. Et bonne branlée des familles. C'était Les jeux vidéo, c'est la vie. Avec Stéphane Auradou, Wael, Marie-Jo Andus-Faris, Vinciane Zaban, François Ledreff, Yann Leroux, et Mathilde Rémy. Réalisation Rafik Zénine. Prise de son Martin Troadec. Mixage Alain Joubert. Coordination Perrine Kervran avec Marivonne Abolivier. Merci à tous les participants de l'atelier jeux vidéo de la médiathèque Don Quichotte à Saint-Denis, à Gabriel Lavenir, à Doria Zénine et à Eugène Rémy. Un grand merci à l'association Gamer, à Noélie, Alexandra et Nicolas. Un documentaire d'Antoine Tricot pour la série documentaire. Thank you.